Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Léa Tessier sera notre DJ pour la matinée avec son bloc mash-up musical. Et Marc Lachance, oui, il est de retour. Jouera avec nos émissions dans sa chronique Nounoun. C'est qui ça, ce gars-là? Ah, on le sait pas. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 29 janvier 2018. On est à 88, Mathieu, 88. Oui, 88 pas de 60, jours, pas de... Je sais pas, non, mais ça fond ces chiffres-là, donc peut-être qu'un jour on va être à 68 bientôt. Hein. Peut-être. Bref, 88 jours de la fin de l'année scolaire, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou, à Trois-Rivières, au Cap... Non, pourquoi je m'en ai dit au Cap de la Madeleine? Oh! Hey, lundi matin! Colin, c'est comment ça? Difficile pour beaucoup de gens. Incroyable, ouais, une autre dont semaine. Dont moi, apparemment. Difficile les lundis. Hein. Très difficile les lundis ces temps-ci. Surtout en pleine crise existentielle comme nous. Je pense que c'est la température. C'est sûrement qui fait, la température. Qui fait en sorte qu'on est moins réveillés. Ça joue avec nos émissions. Exactement. T'as vu que je voulais écrire et que je jouerais avec nos émotions, mais j'ai écrit émission? Oui. La phrase se tenait plus. Exactement, tu vois, ça. C'est ça. Lundi matin, le roi. aujourd'hui, à l'émission, Tania, on a un plan assez béton aujourd'hui. Oui, oui, oui. Lundi, quand même, beaucoup plus rempli qu'à l'habitude. Exactement. On va un petit peu moins avoir à remplir des vides, des trous. Exact. Donc, on a Léa Tessier qui s'en fait, pas Léo. Glace. Léo! Pas Léo! Pas Léo! Directeur technique! De... oh mon Dieu. Radio Enfer. Léa Tessier. Oui. Va être avec nous pour sa chronique de DJ. Hein, elle va nous passer un petit mash-up musical. Elle a choisi deux styles de musique qui ne vont pas nécessairement ensemble pour nous faire découvrir des choses. Mm-hmm. Ça s'en vient dans une demi-heure. Ensuite de ça, Marc Lachance va être avec nous à 9h. C'est confirmé. Il est de retour parmi nous pour la première fois depuis le mois de décembre. C'est qui ça? C'est qui ça? Marc Lachance. Oui, il y avait une chronique dans le temps. Ah, ok. Comment ça? Espérons de façon régulière. Ben oui, on l'espère, on l'espère. Lui qui nous parle de folerie, de nounounerie, de tout ce qui est nounou dans la vie. Autour de ça, ta chronique aussi s'en vient. Tania Escala Entertainia, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de pot, cannabis ou marijuana. C'est ça, comme ça qu'on écoute de la musique là, des émissions là, sur Internet, des pots de cannabis. C'est ça, des pots de cannabis, t'as tout compris. En fait, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais podcast, aujourd'hui, on en parle. Ouais, je sais, je suis pas niaiseuse. Là. Non? Non. Pas pour cette raison-là. Non, en effet. tu te magasines-tu une claque à matin, toi? J'en rêve! OK, j'en veux certaine. Donc, c'est ta chronique qui s'en vient plus tard. Oui, exactement. Et des chroniques maison autres que ça. On verra bien qu'est-ce qu'on a le temps de faire d'ici la fin de l'émission. On va commencer avec son petit palmarès dans quelques minutes. Mais avant ça, on écoute une nouvelle entrée de Allo Mode. Oui. Sur le palmarès francophone. Tout nouveau, c'est la version en français. Mm-hmm. Version alternative. C'est précisé entre parenthèses ENFR Alt Version. Est-ce que ça veut dire English, French ou en français? Je ne sais pas. Oh. Mais la pièce s'appelle Du Pouvoir et on l'écoute pour la première fois. Assemblage requis. It wasn't me. Allô monde avec du pouvoir, version en anglais et en français, donc version alternative d'une pièce qui était sur nos palmarès en mai 2017, bien sûr la version d'origine. Ça allait être un petit peu différente, elle accorde pas nécessairement son anglais parfaitement, mais c'est quand même bon. Oui, ouais, ouais, veut, très bon. Percer sur un marché anglophone. Ben probablement. On va faire ça, on dit rien, mais... Fort probablement. Fort probablement. Ouais. Now it's time for your fucking countdown. Oh boy! C'est la chronique qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, c'est quand même assez précis. Tu sais que c'était les Grammy Awards hier soir. Et j'entends dire qu'il n'y avait qu'une seule personne féminine solo à avoir gagné un prix. C'est ça? Ah ouais? C'est ça. Je sais pas, je suis désolée, j'ai pas eu la chance de pouvoir regarder les Grammys hier soir. J'ai vu l'article passer, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas regardé moi non plus. C'est possible, ouais. C'est pas Alicia Cara? Quelque chose de genre. C'est possible. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup de numéros sur Me Too, Time's Up et autres trucs comme ça, mais il n'y avait pas tant de femmes qui ont gagné des prix. Bon, c'est ce que l'article me résumait. Ouais, ça se peut. Ben, c'est comme ça. Écoute. C'est comme ça, fait je me suis dit, on va parler. C'est une éventualité. Ouais. Je me suis dit, on va parler de Mamelon. OK. Pour aller avec les femmes. Oh boy! Quel... Ça n'a aucun rapport. Ouais, ça non, c'est ça. Absolument aucun rapport. Mais je me suis dit, je vais faire du contenu féminin aujourd'hui, mais comme en parodiant le fait que, genre, les gars vont parler juste de leur sein. Tu comprends? C'est un peu la parodie de la chose. OK. Donc, on va parler aujourd'hui de mamelons. D'accord. Une liste de faits intéressants sur les mamelons. Le corps humain, toujours très intéressant à apprendre des choses dessus. Dans un mauvais français. Donc, ça prend pas beaucoup de place sur le corps humain, mais quand même, le mamelon reçoit beaucoup d'attention. On dit que biologiquement, oui, le mamelon sert à deux fonctions importantes. Chez les femmes, évidemment, livrer le lait au bébé, bien sûr. Et pour les hommes et les femmes, c'est des zones érogènes. Mm-hmm. Bon, là, je pense qu'on apprend c'est pas mal les deux seules fonctions. Pas mal les deux fonctions les plus importantes, oui. Commençons avec notre premier fait, que les mamelons ont leur propre glande sudoripare. Je pense que oui, ouais. C'est ça, donc le mamelon, c'est une petite bosse protrusion, donc au sommet du sein, qui est sur... qui est là, au sommet, à faire ce qu'il y a à faire, à être là, à être présent. À faire ce qu'il y a à faire. C'est ça, c'est ça. Ben oui. Oui, c'est si bien décrit. Je sais. Bref, des petites glandes qu'on appelle des glandes de Montgomery, nommées en l'honneur de William Featherstone Montgomery, un obstétricien irlandais qui les a décrits pour la première fois. Et la seule fonctionnalité de ces glandes-là, c'est de sécréter du liquide pendant donc qu'on allaite, pendant l'allaitement, pour lubrifier le mamelon et pour produire un odeur, un parfum qui attire le bébé vers le sein de sa mère. Ah ben mon Dieu, je savais pas ça. Ben oui. Savais-tu que les mamelons peuvent entrer vers l'intérieur? Des fois, ils peuvent être à l'extérieur, ils peuvent être à l'intérieur, un peu comme un nombril. Oui. Hein? Donc, ce ne sont pas tous les mamelons qui pointent vers l'extérieur. Plusieurs hommes et femmes peuvent avoir un mamelon inversé, donc qui pointe vers l'intérieur. Dans le pire scénario, la peau va s'adhérer à elle-même. Et puis donc, ça peut être douloureux. Oui. Apparemment, nous dit-on. Pour la plupart des femmes, par contre, un mamelon inversé, ça cause ni de la douleur, ni empêche donc l'allaitement. Tout ça fonctionne quand même. Ah ouais, ça je savais pas. C'est ce qu'on dit. Certaines personnes ont des mamelons de trop. Oui! Oui! La plupart des gens ont deux mamelons, hein, un sur chaque sein, hein, chez les hommes et chez les femmes. Mais certains en ont en trop. Un homme indien, on a même appris, avait 7 mamelons. Ben, c'est... si je ne me trompe pas... C'est Nick Jonas, il y en a 4. Hey! Ouais. Il y en a-tu 2 en avant et 1 en arrière? Pour non, c'est 2 au-dessus puis 2 en dessous. Ah! Eh ben, c'est ça le genre. Ben, c'est pas lui le contrôle. Non, c'est ça. C'est non, il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème. Bref, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, que ces mamelons additionnels peuvent apparaître en haut ou en bas, ce qu'on appelle Tail of Spence, nommé en l'honneur du chirurgien écossais James Spence. Donc, cette queue-là peut aller jusqu'en dessous des bras. Hein? Wow! Certains en ont même dans leur dans leur... Voyons comment on appelle ça. En dessous de leurs bras, là, dans leur... sur l'aisselle. Leur... L'aisselle. Voilà, merci. Fait plaisir. C'est le fun. Bref, on dit que mamelon en trop, c'est rien de dérangeant. En tant que tel, ça ne devrait pas vous causer trop de problèmes. Mm-hmm. Ensuite, la raison pour laquelle les hommes ont des mamelons, hein, étant donné que c'est pour nourrir les enfants, hein, ouais, et que les hommes ne produisent pas de lait. On se demande pourquoi est-ce que les hommes ont des mamelons. Hein? Les embryons humains commencent tous pareil, et si l'embryon a des chromosomes XY, un gène sur le chromosome Y nommé SRY va s'activer en quelques semaines, après quelques semaines de la conception, et va commencer à créer donc une différence, et ça va se transformer en appareil masculin. Ah! Hein? Voilà. Ensuite, les mamelons les plus forts au monde appartiennent au grand Nipulini. OK. Ouais, qui a besoin de pectoraux lorsqu'on a des mamelons comme ceux du grand Nipulini, aussi connu sous le nom de Sage Werbach. C'est un homme donc, qui avait comme métier de montrer le pouvoir de ses mamelons. Chaque mamelon pouvait lever 70 livres. Il a le record Guinness pour le véhicule le plus lourd tiré par des mamelons sur 20 mètres, 66 pieds, 988,5 kg ou 2179,27 livres. Il a aussi levé une variété de dumbbells, d'encre et de boules quilles. Oh my God, je comprends pas comment ça l'a pas déchiré. Je comprends pas non plus. C'est... Oh. Et pourquoi est-ce qu'il a commencé à faire ça aussi? Ouais. Comment ça t'en rend compte? Hein? Quelqu'un tire la tétine, tu fais comme... Une grosse soirée avec ses chums. Ah, voilà. Ça s'est fait après une bière. Tiens ma bière. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr. Ils sont très sensibles, les mamelons, à la stimulation. Mm-hmm. Hein? Les gens reçoivent un certain plaisir sexuel en se faisant stimuler le mamelon, comme on l'appelle. Hein? Y a une étude de 2011 où on apprend que les chercheurs voulaient mapper ou créer une map, une carte de la neurologie de la stimulation sexuelle chez les femmes. Et par IRM, ils ont déterminé que lorsque le mamelon est stimulé, la sensation va passer par le même endroit dans le cerveau qui est stimulé lorsqu'on touche le clitoris, le vagin ou le cervix. Est-ce qu'on appelle ça comme ça en français? Je me souviens pas, c'est pas hein? C'est bref, ça. Une étude qui a été publiée dans le Journal of Sexual Medicine qui confirme aussi que c'est possible pour certaines femmes d'avoir un orgasme seulement par la stimulation des mamelons. Alors, on n'a pas fait la même chose pour les hommes encore, mais toutes les raisons portent à croire qu'on aurait aussi du plaisir sexuel chez les hommes avec les mamelons. Justement, ceux-ci sont aussi uniques que des empreintes digitales. Hein, les mamelons viennent en plusieurs couleurs, des fois rose pâle, des fois un genre de beige, rosé un petit peu, si on veut, brun ou noir. Tes deux mamelons peuvent être différents l'un de l'autre. OK. Ben oui. Une personne peut avoir deux mamelons qui sont très différents l'un de l'autre, et il y a même de la symétrie, ce qui est tout à fait normal. Un type de cancer du sein cible le mamelon. La plupart des formes de cancer du sein affectent le sein au complet, mais la maladie de Paget, P-A-G-E-T, c'est un cancer très rare du sein qui cible la peau et le conduit qui mène vers le mamelon. La plupart des patientes, des patients en général, j'imagine, vont savoir piquer sur le mamelon. OK. Ouais, c'est comme un cas d'eczéma sévère. Je savais pas. Ouais. C'est environ 0,5 à 5 % de tous les cancers du sein qui sont la maladie de Paget. Après une mastectomie, ça c'est se faire enlever les seins, hein, c'est ça. La sensation de du mamelon peut, à l'occasion, être ramenée. Ah ouais? Dans les cas de cancer du sein où la mastectomie, donc enlever le sein, est nécessaire, c'est possible d'épargner le mamelon, permettant d'avoir une reconstruction post-traitement qui ressemble un petit peu plus à la réalité, même si la sensation est souvent perdue. Par contre, on dit que dans certains cas, il est possible de ramener la sensation à au mamelon en réparant les nerfs. Lorsqu'une femme se fait refaire les seins, donc c'est une restauration sensorielle au mamelon après une mastectomie. C'est très très à la fine pointe, mais si on trouve le bon chirurgien, ça pourrait être possible. La stimulation des mamelins, la stimulation des mamelons peut aider à amener donc l'accouchement chez les femmes enceintes. Oh. Lorsqu'une femme est prête à accoucher mais que le bébé lui n'est pas prêt, un conseil qu'on partage des fois est de stimuler le mamelon de la mère pour amener l'accouchement. Une analyse de 2005 sur 6 études nous apprend donc qu'il y a eu une comment dire Ça a baissé le nombre de femmes qui ne s'étaient pas rendues à l'accouchement à l'intérieur de 72 heures. Donc, il y avait moins de femmes qui se rendaient jusqu'à 72 heures. Environ 63%, juste un petit peu moins, des femmes qui avaient reçu une stimulation n'étaient pas en train d'accoucher versus 94% de celles qui n'avaient pas reçu cette stimulation au mamelon. Ouais. Voilà. Le mécanisme n'est pas tout à fait clair, mais la stimulation des seins cause une contraction de l'utérus. Ça peut aussi aider à envoyer l'hormone oxytocine qui peut, elle aussi, démarrer des contractions. Une fois que le bébé est né, le fait que le bébé va venir téter sur le sein de la mère a aussi des avantages pour la mère. L'oxytocine qui augmente cause une contraction de l'utérus et le ramène à sa grosseur originale pendant les semaines à venir après la naissance. Je savais pas ça. Moi non plus. Et finalement, le sein maternel a plusieurs façons de sortir du mamelon. Si t'as déjà, pas toi, mais si vous avez déjà pompé votre propre lait maternel ou que vous avez déjà vu quelqu'un le faire, vous avez peut-être remarqué que le lait ne sort pas en un seul... seul jet, exactement. Dans le mamelon typique, il y a entre 4 et 20 sorties pour le lait. Donc, ça peut avoir l'air d'un jet ou d'un jet avec plusieurs trous. Mm-hmm. Hein, genre de spray. Ouais. Ben voilà. Comme une pomme de douche. C'est comme une pomme de douche. Ça ressemble un peu à ça. Je peux te pogner pomme de douche, sera un nouveau inconduite sexuelle 2018. Oh boy. Hashtag... Pomme de douche. Pomme de douche. Ensuite, on était dans la thématique des femmes aujourd'hui et j'avais dit que c'est un petit peu une parodie d'une chronique de femmes parce qu'on parle des choses que les hommes vont typiquement remarquer chez les femmes, par exemple leur sein. Et là, on continue avec des petits conseils de vie qui datent de 1957. Oh boy! Ça va être sexiste à souhait, d'après moi. Juste la photo, genre, elle est comme troublante. La photo, c'est un homme. Pour commencer, c'est une femme qui regarde quelque chose dans le fourneau, hein, penchée. Et l'homme est derrière elle avec un fer à repasser et une pipe dans chacune de ses mains. Et il y a un regard un petit peu mesquin. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec son fer à repasser. Hein? Je pense qu'il va punir quelque chose. C'est sûr, d'après moi, c'est ça. D'après moi, elle a fait quelque chose. C'est victime blaming, comme on l'appelle. Ouais. Bref, les life hacks, comme on appelle ce qu'on fait dans la chronique, les instructions d'assemblage, ben, ça existe depuis vraiment longtemps, depuis bien avant les sites comme Lifehacker et autres Mental Floss. D'ailleurs, au milieu du 20e siècle, le magazine Science and Mechanics a publié un livre annuel qui s'appelait 1001 How To Ideas, donc des idées de comment faire les choses. C'est un livre sur des life hacks domestiques. Et puis, le YouTuber derrière Household Hacker a découvert donc une édition de 1957 dans son sous-sol et a décidé de voir si les conseils fonctionnaient toujours de nos jours. Hein? OK, on vérifie. Et la plupart des trucs fonctionnent toujours, dit-il. En voici quelques-uns des meilleurs. Si vous avez de la difficulté à retirer le bacon de son emballage sans déchirer le bacon, faites rouler le paquet d'un côté à l'autre dans vos mains avant de l'ouvrir, ce qui va défaire l'adhésion qui tient le bacon ensemble, vous permettant de les défaire facilement. C'est vrai? Ouais. On peut monter une lampe de poche sur le plancher en l'attachant à un cône. Comment on appelle ça? J'oublie tout le temps ce mot-là. Ça fait des années. C'est comme un classique pour moi. Je me rappelle jamais. L'entonnoir. Oui. Tu vois, il fallait juste que je pense. Avec un élastique. Donc, on peut mettre une lampe de poche sur le plancher et la faire tenir sur le plancher en l'attachant à un entonnoir avec un élastique. Pourquoi je voudrais faire ça? Je sais pas. Je sais pas. Tu peux tasser des meubles très lourds sur ton plancher très facilement et de façon sécuritaire en plaçant un carton d'œuf à plat en dessous de chaque coin. Hey, ça date de 1957, hein? C'est pas comme ça, on le savait pas. Attacher un ressort de métal cheap sur le dessus d'une porte pour que la porte reste ouverte sans avoir besoin d'avoir un petit triangle, une petite panque là, de plastique. Donc, on attache un ressort de métal en haut de la porte. Ben oui. Tu comprends? Super bon. Si vous avez une tâche à faire autour de la maison, vous devriez... coller vos clous ou vos vis dans une patate ou un fruit dur pour que ce soit plus facile de les tenir. Tu sais, un peu comme en couture, les femmes vont avoir ce qu'on appelle une tomate. Une tomate. À aiguille. Pourquoi c'est une tomate, je me demande. J'aimerais savoir. Je ne pourrais te dire, j'en ai vraiment aucune idée. C'est bizarre, une tomate, t'as pas de référence, tu sais. C'est peut-être parce qu'avant, ils mettaient ça dans une tomate. Une vraie tomate. Ouais. Oh, très possible. Si une petite ventouse ne veut pas coller au mur, frottez ça avec du savon à main. Ah ouais? La glycérine dans le savon va aider à le faire tenir. Ben moi aussi, je savais pas ça. Je vais l'essayer. Empêcher les cheveux de, comment dire, se faire prendre dans le drain de la douche en mettant un petit morceau de laine d'acier à l'intérieur. Mm-hmm. Lorsque les choses vont être dégueulasses, vous avez juste à enlever la laine d'acier et la jeter, remplaçant ça avec une nouvelle. Faites-le. Je m'attendais à plus de sexisme de cet article. Attendez pas de partir de votre appartement avant de le faire. Non, ou parce de que le prochain... laisser l'autre personne le faire. C'est dégueulasse. Chaque appartement que j'ai eu à date, il a fallu que j'enlève avec un couteau là, une grosse motte. Je me rappelle une fois, dans le temps où j'habitais à Montréal, on était quatre filles quand même à habiter ensemble. Donc, tu sais, si vous calculez ça comme ça, des cheveux de filles dans une douche quand on est quatre, ça fait des cheveux à Moses. Mais ce qu'on savait pas, c'est que les autres qui étaient là avant... Ah! N'avait pas fait cette petite étape. Le monstre qu'on a sorti de le blob. Et on l'a appelé le rat. Ah oui, wow. C'était tellement énorme, on avait pris des photos. C'était dégoûtant. C'était votre cinquième coloc, finalement. C'était vraiment un cinquième coloc, là, au point où ça l'a bouché bien dur toute la tuyauterie. Wow. C'était dégueulasse. T'es rendu fan des colocs depuis ce temps-là. T'aimes vraiment ça. Ouais, vraiment. On continue dans le même domaine avec des choses que les gens qui ont des cuisines propres font chaque jour. Oh, OK. Tu sais, c'est plate de faire le ménage. Hein? Oui. Je trouve, quand même. Mm-hmm. Mary Kondo, c'est une auteure de best-seller du New York Times. Son livre s'appelle « The Life-Changing Magic of Tidying Up ». Et elle aime bien, elle, faire une technique particulière qui s'appelle la méthode de KonMari, qui permet à tout le monde, même les très paresseux, les gens qui n'ont aucune envie de faire le ménage, de le faire correctement. Donc, sa méthode s'appelle encore une fois KonMari, KonMari. Commençons avec toujours garder les choses qui sont sur le comptoir, toujours les remettre à leur place. Bon, ça, c'est quand même assez facile. Hein? Ouais. On parle, peu importe, blender, cafetière et autres trucs comme ça qui ramassent la poussière. Hein? Donc, une personne qui aurait une cuisine propre frotterait tout ce qu'elle a à garder absolument sur son comptoir et le reste le serrait avec le temps. On dit de nettoyer ça avec une éponge humide et tiède. Hein? Les petits électroménagers. Voilà, même c'est des choses qu'on utilise à tous les jours. Ensuite, on devrait laver le four, comptoir et le lavabo après chaque utilisation. Mm-hmm. Hein? Donc, enlever les saletés de là à chaque jour. Hein? Oui. Aucune miette, aucune tache mystérieuse va s'accumuler. Ensuite, on nous suggère de garder le savon à vaisselle et les éponges en dessous du lavabo. Hein, c'est plus efficace. Après avoir fait la vaisselle, on va simplement squeezer l'éponge, garder ça dans un petit rack là, ou un truc pour le tenir sous le lavabo avec son savon et ses gants. Truc surprenant, nous dit-on. Okay, je trouve pas ça surprenant. Non, moi non plus. Je trouve ça plutôt normal. Ben, moi aussi. Ben, moi, j'ai tendance à le laisser sur le comptoir. Ah, OK. Ensuite, on nous suggère de mettre la poubelle sous le lavabo. Un classique. Un classique quand même. Donc, ne pas avoir de poubelle en plein milieu de la cuisine. Les gens vont pas trouver ça joli quand ils vont venir chez toi. Mettre donc ta poubelle en dessous du lavabo, va la garder loin des yeux, loin du cœur. C'est pas mal ça. J'imagine que le paragraphe dit qu'on devrait aussi sortir les poubelles plus fréquemment, sinon ça se met à sentir, mais ça c'est assez évident. Ensuite, on nous dit de laver et de sécher les plats ou les assiettes immédiatement. Non, ce n'est pas de rack pour faire sécher votre vaisselle. Ah, en ouais. fait, si vous en avez un, on sait de vous en débarrasser. Ah, OK. C'est aussi trop facile d'accumuler la vaisselle si on ne les sert pas. Et l'eau qui va tomber en dessous, ça crée de la moisissure. J'aime bien mon rack qui a une petite pente pour aller jusqu'au lavabo. On dit de garder son réfrigérateur au moins 30% vide. Ah ouais? Quand tu te demandes où tu vas mettre tes restants ou tes nouveaux produits de l'épicerie. C'est toujours bon d'avoir un 30% de libre dans le réfrigérateur. Et donner à chaque chose une place définie, donc définitive. Ça pourrait être tentant de mettre ses outils, ses épices, ses huiles près du four pour accès facile, mais on dit que ça pourrait mener au désastre. Quand tu cuisines, l'huile va souvent rebondir sur ces choses-là, et en plus, la chaleur peut réduire la durée de vie des épices et des huiles, les rendant donc pas super bonnes, ou en tout cas moins bonnes. À la place, on dit qu'on devrait mettre tout le plus loin possible du four, et avant de commencer à cuisiner, on pourrait sortir tout et mettre ça près du four, et après ça, on s'en débarrasse un après l'autre, après utilisation. Enfin, c'était les trucs que je trouve quand même assez logiques de la méthode KonMari. KonMari. Le lien est sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. On est rendu à prendre une petite pause musicale. Au retour, Léa Tessier va nous faire découvrir de la musique dans sa chronique Mashup musicale. Mais avant ça, on écoute une nouvelle entrée du palmarès anglophone. C'est par Buffalo Tom. Voici All Be Gone. Assemblage Requis. We'll be right back. crazy time coming and going. A time of wanting but not really knowing. We took the boat out of the water. Already missing my son and missing my daughter. Musical de Léa Tessier. À Assemblage requis. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou! 89 ans. Dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagnée de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui. Mm-hmm. Dans quelques instants, Léa Tessier, sa chronique mashup musicale. Mais avant ça, on écoute une nouvelle entrée de Galaxy. Oui, ils sont de retour. Ah oui? Galaxy, c'est tellement bon. Ben oui. Ben oui. Donc on écoute leur pièce phénoménale. Ça va vous réveiller à 7h30, c'est sûr. C'est clair. Tout est à Assemblage requis. Je sais pas réaliser. Galaxy avec la pièce phénoménale. Nouvelle pièce qui sonne comme les anciennes, oui, c'est mais ça, quand ça. Même... On reconnaît bien le son de Galaxy, un disons peu. Ça comme ça. Un peu, mais c'est un bon style, tant qu'à avoir un style. Exactement, tu sais, formule gagnante. Ben voilà, c'est ça. Nouvelle formule ici qu'on a à l'émission, c'est celle de Léa Tessier qu'on a depuis la semaine passée, c'est sa deuxième chronique aujourd'hui. C'est une chronique de mashup musical, donc elle nous prend deux styles musicaux et nous les mixe ensemble en nous décrivant qu'est-ce que c'est ces deux styles musicaux-là ensemble. Donc bonjour Léa Tessier. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Ça va. Très bien. Donc un peu moins stressé pour ta deuxième? Ouais. Oui. Oui. Ah, ouais. Merveilleux, on aime ça. On la met à l'aise. Ouais, Mathieu, tu sonnes vraiment écho. Ouais, mais là, je monte le micro de Léa, super. Ah, ok, c'est pour ça. Merci de Excuse-moi. Révéler mes secrets. Non, je voulais pas dire tes secrets, là. Je voulais juste m'assurer oui, que. Une voix profonde, hein, c'est ça. Je voulais m'assurer que mon micro ne pognait pas dans le ciel. Non, ça va. Tout va très, très bien. Merveilleux. On disait donc, oui, qu'on était très à l'aise ensemble, on allait en robe de chambre en attendant, pour être sûr. Ben oui. Donc Léa Tessier, on parle de quel style musical aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être le ska-punk. Le ska-punk. Oh, ça me dit quoi, on ça? On entend souvent ska-punk. Je pense que j'écoutais ça au secondaire. Oui, absolument. Des fois, on entend parler de oi, et ça, j'ai jamais compris ce que c'était, mais ah, on en non, parle Ah non, moi non plus. Donc ska-punk. Ouais. Comment est-ce qu'on commence ça aujourd'hui? Je sais pas trop, je me suis dit, je vais présenter un peu ce que c'est le punk et ce que c'est le ska. Bonne idée. Et après, on passe des musiques. Ben oui, une chose à la fois. Donc, je m'entends vraiment bizarrement. C'est l'écho, hein. Je pense que c'est l'écho. Ben, baisse-le. Ouais, mais on l'entendra pas. Oh. Est-ce qu'on va l'entendre? Ben non, on va l'entendre. Sûr, vas-y, au revoir. Salut Léa. Bonjour. Ouais, on l'entend un petit peu. Quand même. Ben, je vais y rapprocher son micro. Peut-être, ok. Attention. Et... Tu vas y faire peur avec un micro dans la face. Ben non, là, Est-ce voyons. Est-ce que tu as demandé son consentement écrit? J'y ai pas touché, ok? J'ai touché le micro. Bon. Je suis d'accord. Merci, Léa. Une chance, parce que là, il était un peu tard pour être en désaccord avec ça. Ok, donc on commence par le ska ou par le punk? Le punk. Le punk. Déjà, à la base, ça s'appelle le punk rock. En fait, c'est le vrai nom. Mm-hmm. Donc, c'est un dérivé du rock. Mm-hmm. Et c'est né dans les années 70. Et en fait, à la base, c'est censé être... En fait, le rock, il était en train de devenir de plus en plus docile et de plus en plus doux. Et du coup, ils se sont dit... Enfin, ils n'étaient pas d'accord. Ils se sont dit, le rock, c'est censé être sauvage et tout. Mmh. Et donc, voilà, ils ont vraiment... Et aussi, il y avait la technologie, il y avait les synthétiseurs. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc, voilà, il y a eu le mouvement hippie. Enfin, voilà, du coup, les punks, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils se sont dit, la musique, ça doit être sauvage, ça doit dénoncer des trucs. Mmh. Et donc, un message derrière. Il dénonce un peu tout ce qui ne va pas dans la société, le système et tout. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est le punk. Est-ce que tu veux qu'on entende une pièce de punk? C'est ça qu'on va faire? Je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on entende The Planet Smashers en premier? Ouais. Ouais, ça te dirait? Je sais pas s'ils sont connus, Planet Smashers. Ben quand même, ouais. C'est peut-être, je vais pas dire vieux, c'est pas vrai. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Mais c'est du rétro. C'est un pas peu. Récent, The non. Planet Smashers. Et toi, tu connais pas ça, donc c'est nouveau non, pour toi. Non, je connais pas. Ouais. C'est pas vrai? Tu connais pas? Non. Ah, mon Dieu. Bon, on va y faire découvrir ben, Planet Smashers, Mathieu. Planet Smashers, Police the Nation. I don't want your perfection. No, I don't need that. I don't want anything from you. I won't give anything back. You call it selfish, you call it what you want. I couldn't give a crap. 'Cause my right to choose is my right to choose, and I won't let them take that. No. It's hotter and hotter. Yeah. Police the soul, police the nation, police the mind, pollute imagination, police our love. Sensation, police freedom, pollute to the nation. Didn't ask for your acceptance. No, I don't need that. I won't take anything from you. Gonna have to pass. Don't need your system, I'll do what I want. Yeah, I got something to say. It's my right to choose, yeah, my right to choose. Try to take it away. No. It's harder and harder. Yeah. Police the soul, police the nation, police the mind, pollute imagination, police our faith, police devotion, police freedom, pollute the nation, pollute the nation. Action par The Planet Smashers. C'était la partie punk de notre chronique punk, ska-punk, avec Léa Tessier aujourd'hui. Donc, comme on a parlé de punk pour commencer, j'imagine par processus d'élimination intelligent. Ouais. Qu'on va parler de ska. De ska. J'imagine. Je cherchais, là, j'étais comme attends. Si on regarde ça comme ça. Je veux pas avoir la cave. C'est ça, on va peut-être demander, peut-être qu'on l'a peut-être dans le champ. C'est peut-être pas ça. Est-ce qu'on parle de ska, Léa? Oui. Ah, oh! On est fort, hein? On est de travail d'équipe là-dedans, je pense. Donc, qu'est-ce que c'est le ska, Léa? Alors, le ska, c'est né avant le reggae, déjà. Okay. En fait, le reggae, c'est un dérivé du ska. Okay. Oh. Le ska, c'est né en Jamaïque dans les années 50. Mm-hmm. En fait, en Jamaïque, c'est surtout... Enfin, il y a surtout des Noirs qui étaient violentés, discriminés. Enfin, ils n'avaient pas le droit de vote et tout. Et du coup, ils écoutaient de la musique pour oublier un peu leur vie un ouais, peu dure. Pour décrocher un peu. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Et donc, en fait, le ska, c'est un mélange de musique des îles, genre le merengue, le calypso... Le jazz aussi. Mm-hmm. Et un mélange de rock aussi. Mm-hmm. Oh! J'aime ouais. ça. Moi aussi. Donc le ska, c'est très rythmé, en fait. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est... Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est les mesures, enfin... Les temps et les mesures. Je connais pas tant ça. Écoute, hein, je vais compter jusqu'à 4. Oui, c'est vrai. Il y a 4 mesures. Et du coup, en fait, il y a un temps fort sur le deuxième et quatrième temps. OK. De la mesure. Donc ça fait tac, tac, tac, tac. Mm-hmm. Tac. C'est ça. Un peu comme le fond musical. Voilà, c'est ça. Un peu, ouais. Peut-être pas aussi. C'est sûrement pas ça. Donc en fait, c'est ça la guitare. Mm-hmm. C'est fait très sèchement à la guitare. OK. Donc c'est pour ça que c'est un rythme vraiment caractéristique du ska, en fait. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que t'as envie qu'on écoute un exemple? Un exemple? C'est pas pire, de ska? Je pense qu'on a une chanson. Il y a une chanson de... Comment ça s'appelle déjà? I'll Be Waiting. Ah, oui, I'll Be Waiting, de Sub. On écoute ça tout de suite. Ça. Ah, sans âge. Yeah. Miss I'll Be Waiting de Sub à Assemblage Requis, c'est dans la chronique sur le ska-punk aujourd'hui avec Léa Tessier. Ça, c'était la portion ska et on n'avait pas terminé de parler de ska, Léa. Non, on avait... Attends. Ah bah non, mais en fait, je voulais juste dire, le ska, c'est un rythme très rapide et c'est fait pour danser. C'est ça, et je pense qu'on l'a compris voilà. En dansant nous-mêmes sur la chanson. Oui, tout à fait. Sub. Vous auriez dû nous voir en studio. Hey, c'était incroyable. Donc, ce qui veut dire que maintenant que tu as parlé de ska et de punk, on va pouvoir parler de ska-punk ensemble, c'est ça? Ouais, donc ça, c'est né dans les années 80, du coup. J'ai pas vraiment d'histoire sur ça, mais je me suis dit, c'est intéressant de les mélanger parce que les deux, ils ont un rythme très rapide. Mm-hmm. Du coup, ils vont bien ensemble. Mais en fait, c'est marrant parce que le ska, c'est fait pour danser, et le punk, ça dénonce, et du coup, c'est un peu les contraires, les deux. Donc, c'est marrant de les mélanger. De danser. Comme dirait Céline. Ouais, ouais. Donc ça donne en fait des mélodies joyeuses avec des paroles un peu sombres. Le contraste de la chose. Voilà. J'aime bien les contrastes. Super. Donc ça veut dire qu'on s'en va entendre une pièce de ska punk. Qu'est-ce que tu nous as choisi? Encore une autre? Ouais. Oui. Ben oui, encore une autre. Comme c'était surprise. Alors celle-là, c'est d'un groupe qui vient d'Europe, de là d'où je viens. En fait, c'est très reconnu en France. Je sais pas si vous connaissez en fait Scapé. Non. Scapé. Escapé. Non. Comme les rescapés, mais non. Non, ouais. Je connais pas. C'est Ska Trait Union P en passe. C'est ça. Donc la pièce s'appelle Mestissaré. On écoute ça tout de suite. À Assemblage Requis sur C'est Fou. Oriental, indio americano, africano, musulmán, blanco europeo, aborigen australiano, cinco continentes en un mismo corazón multirracial. Multiracial. La utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. ¿Dónde está? Crucificada en los altares del capital. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? Ni tu residencia, ni el credo, ni el color. Ninguna diferencia te hace superior. Estúpido racista, deserción del ser humano. Cinco continentes en un mismo corazón multirracial. Vamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo. popular. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? Crucificada en los altares del capital. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que andan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que andan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. C'était Scampé avec mestissage. Mestissage. Ça veut dire métissage. Métissage, bon, tu sais, tu vois. Hein, ils l'écrivent bizarrement, mais c'est métissage. M-E-S-T-I-Z-A-J-E. Vous essayerez de prononcer ça, vous autres. Donc, toujours avec Léa Tessier dans la chronique Mashup Musical. Aujourd'hui, on a parlé de ska, on a parlé de punk, on a parlé de ska-punk. Mais il nous restait plein de choses à discuter, Léa. Ben, pas, peut-être pas plein, mais plusieurs. Hein, ouais, j'avais des choses sur les groupes. Mm-hmm. Ben oui. Donc ceux qu'on vient d'entendre, j'imagine. Oui, celui-là il vient d'Espagne. Oh, Espagne, ok. Donc ils sont très connus en France, là d'où je viens du coup. Ouais, c'est ça, on détecte un petit quelque chose français chez toi. À peine. En Amérique latine, mm-hmm. en Espagne, un peu partout en Europe aussi. Ok. Et du coup je suis contente de vous le faire découvrir. Ben merci beaucoup, ouais on a bien aimé ça nous autres aussi. C'est tout. Pas mal ça, finalement, je pense. On te remercie, Léa Tessier. On va te retrouver la semaine prochaine pour une troisième chronique mash-up musicale. Jusqu'à maintenant, les styles, ça a bien du sens. Ouais, ça a bien du sens. C'est très bon. Ouais, on a fait quoi? Rock et quoi d'autre? Hip-hop. Rap. Rap-rock, la semaine passée. Ouais. Là, on a fait ska-punk. La semaine prochaine, on verra. Mais on sait, la seule chose qu'on sait qui est certaine, c'est que c'est lundi à 7h30 à Sondage Rocky. Merci, Léa Tessier. Merci. Bonne journée. Maintenant, on va écouter une petite musique encore, mais d'un autre genre complètement, plus du style palmarès anglophone, Tania. Mm-hmm. Et il y a une nouvelle entrée de Kate Meows. Oh, comme un chat, maintenant. C'est ça, ça me fait rire. Meows. Voici Here I Wait, tout de suite, Assemblage Rocky. Ah, ah, ah. Elle a entendu mon ouvre-grand. Oh, oh, oh. Ah. We'll be right back.

Accroche-toi de Hibou Hibou à Assemblage Requis. On remercie encore Marc Gagné. C'était donc le fun de passer ça. Vraiment? Il est fin. En plus, c'est bon. Mais oui, c'est ça. C'est incroyable dans nos oreilles. On dit pas ça juste parce que c'est Marc Gagné. Mais là, c'est dans ta face. Alors, on prend une pause. Au retour, Tania is gonna entertain you. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Toujours à Assemblage Requis en ce lundi matin 29 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mais Mathieu Plante n'est pas très important dans cette demi-heure. Pourquoi? Ben parce que c'est toi l'important. Mais non, mais là, tu vas pouvoir interagir quand même. J'ai le droit. Ben oui, certainement. Je vais peut-être dépasser les limites des fois, ça m'arrive. Ouais, mais fais attention. Hein? On tombe pas dans l'excès non plus. Ben non, c'est Tania is gonna entertain ya. Ah, c'est vrai, j'ai des nouvelles paroles grâce à Marc Gagné. Ouais, ouais. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta C'est Marc Gagné qui écrit ça. C'est, ouais, exactement. Du band Hibou Hibou. Là. Tout à fait. C'est fort quand même. Il y a de l'imagination. On le remercie grandement. Donc aujourd'hui, Tania, on parle de pot de cannabis de marijuana. C'est en plein ça. En fait, on va essayer de démystifier un petit peu tout ce qui entoure la légalisation du pot. Ah ouais. Au Québec et au Canada. On le sait que c'est un projet canadien à la base. Donc le projet de loi va passer partout au Canada. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est chaque province qui va en avoir un petit peu l'obligation, la restriction, la sécurité. Exactement. La responsabilité, la sécurité et tout ce qui englobe aussi l'argent par rapport à tout ça. C'est à contre-cœur, en fait, que certaines personnes ont décidé... en fait, ils l'ont eu de travers dans la gorge. Là. On se doit d'accepter la légalisation un petit peu partout. Un peu comme un joint la première fois que t'en prends. C'est ça. Ça passe de travers pour certains politiciens. Mais quand même, c'est quelque chose qui fait parler, qui fait couler de l'encre, qui fait mousser certaines conversations. Et il y a des choses qu'il faut savoir par rapport à tout ça. Parce que c'est quand même un produit assez attrayant pour certains. Et là, quand je dis certains, je parle pas nécessairement juste des jeunes qui veulent découvrir. C'est que ça fait quoi fumer un joint dans le coin sombre d'une cour d'école de primaire? Là. je parle plutôt des... Tranche de vie de... C'est... non, du tout. Je parle surtout des gens qui sont habitués quand même à consommer de la marijuana. Ceux qui le sont peut-être un peu moins. Et là, ça devient légal, tout ça. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, sachez-le... si vous désirez fumer un petit joint dans le coin sombre d'une cour d'école secondaire, ça vous sera refusé. Oh, OK. Pas sur les terrains d'école. Bien, en fait, c'est réservé aux 18 ans et plus. Ah, OK. Donc, l'âge légal de consommation est fixé à 18 ans. Ça va peut-être l'être de 19 ans pour l'Ontario. Évidemment, on le sait, c'est un petit peu la même chose avec l'alcool. Donc, pour les mineurs, ça va être interdit d'acheter, de posséder et de consommer du cannabis. Donc, si vous essayez de faire ça sur une... comme je le disais, dans un petit coin sombre sur la cour d'école, il y a de fortes chances que vos parents vous fassent appeler. Hein? que vous soyez amené au poste de police. Ouais. Donc, faites attention de ce côté-là. Sinon, bien, les produits qui vont être dérivés de la marijuana et du cannabis, comme par exemple les petits muffins aux pâtes. Ouais, les brownies. C'est ça. Bien, c'est pas visé par la légalisation qui va prendre effet au mois de juillet. Il faut faire attention de ce côté-là. Toutefois, les amateurs, tu sais, ceux qui veulent décider de faire ça chez eux, ouais, là, bien, vous allez pouvoir faire votre propre produit à base de cannabis, à condition que vous en fassiez pas la vente. OK, OK, bien, donc, c'est logique. Donc, tu sais, on s'entend que si vous recevez des amis pour souper, vous désirez faire des brownies aux pâtes. C'est sûr que d'en aviser la totalité des gens autour de la table, ça serait bien gentil. Pour accompagner vos pâtes Alfredo avec des cigarettes dedans. Là, exactement. Mais il faut comprendre que vous ne pouvez pas en vendre. Vous n'allez pas pouvoir en faire la promotion non plus sur par exemple, les réseaux sociaux. Donc, si vous désirez de faire un petit peu d'argent là, pour arrondir vos fins de mois, la vente de muffins aux pâtes et la vente de muffins verts, c'est peut-être pas la meilleure idée pour donc, vous. Donc, t'es en train de dire que les gens en com' social qui vendent du vin en ce moment pourront pas se mettre à vendre du pot. C'est ça, on pourra pas faire des campagnes de financement en décidant de vendre des produits dérivés du pot. Non, dommage. C'est hors de question. On le sait maintenant, c'est la SAQ qui va avoir au Québec le monopole du pot. Donc, il va y avoir 15 succursales en fait de la Société québécoise du cannabis, la SQC, qui vont ouvrir leurs portes en juillet 2018. D'ici 2 à 3 ans, en fait, on devrait voir 150 succursales qui pourraient faire leur apparition au Québec. C'est un chiffre qui, bien évidemment, pourrait changer. Mais sachez-le, c'est quand même... ça va être régularisé, ça va être réglementé, ça va être sécurisé aussi. Donc, c'est pourquoi on a décidé d'y aller avec la SAQ, la SQC. Ça va être un dérivé, tu sais. Puis dans SQC, il y a SQ, fait que ça va être, tu sais... C'est ça. Hein? Sécurité. Hein? Sécurité, la police. C'est ça. Ça va ressembler beaucoup, en fait, à la régularisation qu'on a au niveau de l'alcool, bien évidemment, parce que, bon, on se dit que c'est des gens qui sont censés être matures, qui vont consommer et en faire la consommation et ne pas conduire au volant. Donc, on va y arriver. Et si vous êtes de ceux qui sont habitués aux achats en ligne, tu sais, vous faites votre magasinage en ligne. Comme avec la SAQ, tu peux te faire livrer Vous utilisez beaucoup votre carte de crédit pour faire des achats qui sont peut-être parfois inutiles. Bien, seule la SQC va pouvoir vendre de la marijuana aux Québécois. C'est ça qu'on appelle le monopole, c'est ça, c'est littéralement bien, ça. Tant en ligne qu'en succursale, donc sachez-le. Poste Canada va assurer bien évidemment la livraison et un adulte va devoir signer pour prendre possession du colis. Donc si vous vous dites « j'ai la carte de crédit de mon père » puis vous avez par exemple 16 ans et demi, vous décidez d'aller sur le site internet de la SQC pour vous faire livrer une petite boîte de cannabis à saveur fruitée et sec, je sais pas. Je sais pas, t'as l'air d'avoir des envies en ce moment. Non, pas du tout, mais sachez que lorsqu'on va vous amener le colis, vous pourrez pas en prendre possession vous-même. Mm-hmm. C'est la personne à qui vous allez avoir volé, finalement, la carte de crédit qui va devoir signer. Donc, c'est mieux que vos parents soient au courant, si jamais ça vous intéresse. Mm-hmm. David Ferron nous écrit, tantôt, j'avais pas osé faire ce gag-là parce que j'ai trouvé trop bas de gamme, mais comme c'est David qui le fait, je vais le créditer. Il parle de monopote du marché. Oh boy. Tellement facile à faire, là. Tellement facile à faire, David, franchement. J'espérais mieux de toi. Donc, au niveau des prix, les experts proposent en fait de vendre le gramme de pot entre 7 et 10 $ parce qu'on va essayer en fait de contrecarrer un petit peu le marché noir. On va essayer de justement essayer de trancher tout ça, de faire en sorte qu'il y en ait moins sur le marché noir. Et bien souvent, on le sait, que ce soit le pot ou d'autres styles de drogue, bien souvent, ils se retrouvent à avoir autre chose que le produit naturel à l'intérieur du petit sac. Et souvent, ça va être sur le marché noir que ces choses vont arriver. Mmh. Surtout que présentement, il n'y a pas de marché pas noir. Donc, il faut prendre en considération que si vous continuez à garder un dealer, bien, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile pour vous d'avoir du pot qui va avoir de l'allure. Mm-hmm. Selon le prix retenu, en fait, les ventes de la Société québécoise du cannabis, donc la SQC, pourraient s'élever à quelques 500 millions la première année. C'est une évaluation qui demeure quand même assez préliminaire. Là. On On s'étend sur des chiffres, oui, on sait pas non plus comment est-ce que ça va tourner, est-ce que ça va vraiment être populaire. C'est un petit peu la question que c'est personne... Ça, parce que le facteur de nouveauté, de l'essayer parce que c'est nouveau, c'est cool, mais est-ce que tu vas continuer d'aller en chercher tout le temps? C'est ça, je me demande. C'est un questionnement. Au niveau de la publicité, justement, parce qu'on se dit, bon, si on crée des SQC, à un certain point, ça va devenir comme une SAQ. On va en voir de la publicité à la télévision, on va en entendre de la publicité. Ils vont avoir leur propre chaîne télé, TQSQC. Bien, ils vont avoir leur propre mise de prix, les Grammys. Oh boy! Donc, en fait, Québec, le gouvernement du Québec va interdire les publicités qui sont de type style de vie. Comme par exemple, le Marlboro Man pour genre, la cigarette. Cool, si tu fumes, là. C'est ouais. ça, exactement. Donc, on veut pas faire la promotion de la marijuana. On veut juste faire des publicités qui vont être informatives. Ça va être permis. Et des publicités de style, justement, régularité. Ça existe. Encadrement ouais. autour du cannabis. On veut s'assurer qu'il va y avoir aussi une certaine éducation à ce niveau-là dans les publicités. Donc, c'est pas pour dire « Hey, viens chez nous en acheter ». C'est vraiment pour savoir que, bon, si vous allez, par exemple, à la SQC, fortement, votre produit va être de meilleure qualité que si vous allez sur le marché noir voir, par exemple, Tijo qui a une larme tatouée en dessous de l'œil. Ouais. C'est sûr que de ce côté-là, ça pourrait être mieux pour vous et votre santé. Donc, les consommateurs vont pouvoir se promener sur la rue avec 30 grammes de marijuana dans les poches. C'est un petit peu plus d'un once pour ceux qui savent pas qu'est-ce que 30 grammes. Je sais pas plus c'est quoi un once. Bon, écoute, moi non plus, j'ai jamais fumé de pote. Donc, à la maison, un adulte va pouvoir conserver jusqu'à 150 grammes. On le sait, on avait parlé à un certain moment de pouvoir faire la culture nous-mêmes à la maison. Ouais, deux planches, pas trop quoi, c'était quoi ça? Exactement, c'était un questionnement qu'on avait. Est-ce qu'on a le droit de cultiver à la maison? Comment ça se passe? On le sait que du côté de l'Ontario et du reste du Canada, on a le droit à 4 plants. Du côté du Canada... Zero. Interdiction du de... Québec. Du Québec, oui, ouais. J'ai dit Canada, ouais. Excusez. Mais le Québec, en fait, interdit la possession de plants de marijuana à la maison. Le projet de loi d'Ottawa, on l'a dit, vient de permettre d'en cultiver jusqu'à 4 pour une consommation personnelle. En fait, la mesure est beaucoup trop difficile à appliquer, apparemment, ici au Québec. Je ne sais pas pourquoi en Ontario c'est facile, mais ici, c'est pas quelque chose qui semble facile au niveau de la loi. Drôle de raison. De pouvoir faire la culture de potes dans votre garde-robe. Mm-hmm. C'est impossible pour vous, sachez-le. C'est drôle parce qu'on se dit souvent « Bon, la SAQ va prendre le monopole de la vente du cannabis. Qu'est-ce qui va se passer avec les fameuses petites pastilles de goût? » Oh! Je sais pas. C'est sûr que ça sera pas un copier-coller de SAQ. Je penserais pas. En fait, les futurs SQC vont être des endroits qui vont être sobres. Ça va être dénudé d'affiches promotionnelles et ça va être dénudé aussi de rabais qui vont inciter à l'achat. Ah. Donc, sachez-le, si vous décidez d'aller faire un petit tour à la SQC, c'est pas mal impossible que vous ayez un petit rabais, genre achète-en 6, puis le 7e à un prix. Puis t'auras pas un petit système de dégustation avec quelqu'un en tête. Exactement. Donc, les conseillers en fait, vont pouvoir expliquer les effets de différents produits, mais on n'en fera pas la promotion. Donc, ça va être très, très neutre comme endroit. Les consommateurs vont pas pouvoir s'attendre à des pastilles de goût comme celles qu'on va retrouver, par exemple, à la SAQ avec les vins. S'il y a des pastilles, ça va être pour expliquer et pour, par exemple, expliciter ce qu'il y a dans le produit. Donc, on va vous expliquer juste là, vraiment ce qui se comme quand tu vas dans un magasin d'électronique où tu as genre la RAM de ton ordinateur, des trucs ça. Informatifs comme ça. Tout à fait. Et ça sera pas dans le but d'en vendre plus. Okay. Donc, ça sera pas, par exemple, aromatique et charnu pour ouais. savoir que toi, c'est ça que t'aimes. T'sais? Mais tu peux le demander. Mettons, moi, j'aimerais ça quelque chose de plus fruité. Oui. Ils vont pouvoir te cibler probablement, oui. Okay. À ce niveau-là, je peux pas te mettre quelque chose de clair. Qu'est-ce que tu veux avec une fondue au fromage? C'est ça, exactement. Tu sais, je reçois des amis ce soir. Qu'est-ce que je peux... de la rotelette. ce qu'il faut comprendre aussi, bon, avec l'alcool, la grande différence, c'est qu'on a la limite qui est de 0.08, bien, oubliez ça, c'est tolérance zéro pour le cannabis au volant. Okay. S'il y a un échantillon de salive qui révèle la présence de THC, bien, la personne qui est au volant va voir son permis révoqué dans une période de 90 jours. Donc, c'est bon, un peu comme, tu sais, les gens disaient, OK, quelqu'un va arriver, paf, au travail. Hein. C'est ouais. la même chose que l'alcool, tu n'arrives pas, paf, au travail, c'est comme ça, exactement. Pas ça au travail. Il va y avoir des règles autour de tout ça. Et le gouvernement estime que la marijuana, c'est détectable dans la salive pour une période de 4 à 6 heures après la consommation. Donc, on s'entend que si vous fumez un joint avec vos amis, puis une heure après, vous décidez de partir, on va encore être capable de le déceler au niveau du gouvernement, au niveau de la police aussi. Donc, pensez à ça. Ça va être un petit peu comme quand tu décides de boire trop chez des amis. Tu vas rester là. Mmh. C'est dors là, donne tes clés. Ça va ressembler à ça. Pour ce qui est de fumer en public, Mathieu, bien, les Québécois vont pouvoir fumer un joint en public, mais on va devoir respecter certaines règles. Par exemple, la cigarette, on le sait, là, on a passé certaines lois à ce niveau-là il y a quelques années déjà. C'est devenu vraiment un incontournable que de devoir sortir de l'établissement pour pouvoir fumer. Et ça fonctionne bien. Je vois rarement des nuages de fumée ou je sens rarement la cigarette autour de moi dans vie. Exactement. Puis on le sait aussi que la plupart du temps, les terrasses, c'est la même chose. Vous n'avez pas le droit de fumer sur une terrasse. Vous devez vraiment vous éloigner de l'établissement. Donc, on va devoir faire la même chose au niveau du cannabis, 9 mètres de la porte de l'établissement. Et ça va être également interdit de fumer dans les lieux qui vont être, par exemple, les abribus, les terrains d'un établissement de santé, donc si vous vous retrouvez à l'hôpital, l'enseignement post-secondaire, les terrasses de bar, les terrains de jeu ou les terrains sportifs. Mm-hmm. Ça va être bien évidemment, encore une fois, écrit un peu partout lorsque le projet va passer. Donc, en juillet 2018, c'est un peu les mêmes endroits que la cigarette. Donc, les pancartes vont peut-être juste changer avec deux sortes de joints dessus. Tout à fait. carrément. Je pense qu'on va pouvoir voir de plus en plus d'affiches qui vont être divertissantes. Et ça, et ça sent plus fort, je trouve, le cannabis. Donc, l'odeur... Ben, justement, l'odeur, là, Mathieu, là, dans les derniers jours, en fait, cette odeur-là, là, ça l'a fait lever quelques mains à certains endroits. Entre autres, chez les propriétaires d'immeubles. Ben oui, c'est sûr. Parce que là, on le sait, on ne peut pas faire la culture, OK? On l'a dit tout à l'heure, en Ontario, c'est possible, 4 plans. Par contre, au niveau du Québec, on n'a pas le droit. Mais ce que vous avez le droit, c'est de fumer à l'intérieur de votre appartement. Et le cannabis, bien, ça inquiète certains propriétaires. Et vous allez peut-être voir certaines modifications à votre bail dans les prochains mois, en fait. Parce que si vous renouvelez, par exemple, votre bail aux 12 mois, bien, vous allez probablement recevoir une lettre, à savoir, un, si vous renouvelez votre bail, et deux, sur ce bail-là, vous allez peut-être avoir certaines modifications de la part de votre propriétaire. Il te dit que ça va être en juillet, les succursales de la SQC, donc ça va être le même moment que le renouvellement des bails, que le bail va recommencer, finalement. Tout à fait. Donc, il y a une centaine de propriétaires, en fait, de logements locatifs qui se sont réunis un petit peu plus tôt cette fin de semaine pour évaluer comment rendre leur établissement sans fumer. Mm-hmm. Une fois l'entrée en vigueur de, justement, la légalisation du cannabis au Canada, et... ça va être possible de l'écrire sur le bail. C'est un petit peu comme un appartement non-fumeur, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs propriétaires qui sont vraiment inquiets de cette odeur-là, parce qu'on s'entend... Ça empeste. La cigarette, c'est... Oui, ça pue, OK? Ça pue, honnêtement, là, moi, dans mon tes murs vont être gluants, jaunes, ouais. Ton linge pue, là. Mais pour le cannabis, c'est comme pire. Mmh. Ça, c'est une odeur qui reste vraiment plus longtemps. Ouais. Donc, pour interdire la consommation de cannabis dans les logements présentement, bien, les propriétaires doivent interdire les locataires, notamment par l'envoi d'un avis de modification de bail, comme je le disais tout à l'heure, au plus tard 3 mois avant l'échéance du bail qui est en cours. À l'heure actuelle, les propriétaires d'immeubles n'ont pas le droit de modifier un bail qui est en cours. Ouais. Ça doit vraiment arriver à la fin du bail. Et bien souvent, bien, on le sait, c'est 3 mois avant la fin du bail où on va recevoir justement une lettre de modification, que ce soit pour le prix du logement ou que ce soit, par exemple, vous avez amené un chat quand je vous ai dit pas de chat. Donc, de ce côté-là... Vous avez fait fumer du pot à votre chat, là. C'est ça, tu sais. Pour la majorité, en fait, l'avis va être envoyé avant la fin du mois de mars. Mm-hmm. C'est un petit peu comme à l'habitude pour tout ce qui est bail au niveau du Québec. Mais les locataires, vous avez le droit de refuser la modification. Ah! Faut savoir que les locataires ont des droits à ce niveau-là aussi. Vous allez pouvoir contester. En fait, vous allez pouvoir aussi vous rapporter au regroupement des comités, logements et associations des locataires du Québec. Ça s'appelle la RCLALQ, si jamais ça vous intéresse de fouiller facile un petit peu. Ça, ouais. Si vous êtes de ceux que vous croyez, vous allez recevoir un avis là, considérant peut-être l'utilisation de marijuana à l'intérieur de votre appartement et vous êtes de ceux qui consommez et que vous aimez consommer, bien, sachez que vous pouvez aller poser quelques questions à ces gens-là qui sont du regroupement du comité logement et association de locataires du Québec. Vous pouvez les retrouver facilement sur Facebook. Ils répondent facilement tranquillement aussi. Mais en tant que propriétaire, sachez que vous aussi, vous allez pouvoir avoir une certaine certaines règles à suivre, un certain guide aussi. L'Association des propriétaires du Québec a créé un guide qui explique justement comment modifier ces fameux baux-là contre les impacts du cannabis. On parle déjà de 23 000 exemplaires qui ont été distribués. Donc, si on regarde ça comme ça, oui, il y a quand même plus que 23 000 propriétaires d'immeubles au Québec, mais ça fait en sorte que on réalise à quel point les propriétaires sont inquiets de cette légalisation-là, surtout pour leur immeuble. On s'entend que si quelqu'un part, puis on passait un an à fumer du pot à tous les jours dans cet appartement-là, la désinfection, en quelque sorte, et entre parenthèses, de l'appartement à l'odeur va être extrêmement longue. Ça va demander beaucoup de produits, ça va demander du temps, bien évidemment. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe du côté des propriétaires? On va vraiment essayer d'aller chercher l'aide de l'Association des propriétaires du Québec pour voir qu'est-ce qui explique dans le guide. Et il faut expliquer aussi aux propriétaires que, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un projet de loi, il y a peut-être avantage, en fait, à exclure également la culture. Ça, on l'a dit tout à l'heure, parce que s'il le fait pas, en fait, et que le gouvernement décide de modifier son projet de loi suite à peu importe quelle restriction va changer ou quoi que ce soit, bien, vous allez vous ramasser dans une modification de bail qui va être semi-illégale. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on prévoit? Bien, il faut bien évidemment discuter avec notre propriétaire. Il faut discuter aussi avec nos locataires en tant que propriétaire. Et si on se retrouve dans un condo, on le sait, un condo, c'est un petit peu différent que les appartements. On vit un petit peu plus à la façon respect, aidons-nous les uns les autres quand on est dans un établissement de condominium, exactement. Qu'est-ce qui arrive à ce niveau-là? Bien, c'est une question de respect entre voisins. Donc, un locataire doit respecter, si on veut, la tranquillité de ses voisins. On ne doit pas nuire à la jouissance des lieux de ses voisins dans un espace à condominium. Donc, dans le cas des condos, on a un voisin, par exemple, qui est un usager occasionnel. Bien, une fois par mois, on va sentir une odeur de cannabis, peut-être. Il va falloir soit se faire à l'idée que ça va être légal, en fait, ou tout simplement aller le voir directement et lui poser la question: est-ce que ça te dérangerait de fumer sur ton balcon à la place de fumer chez vous, parce que là, mon linge sent, tu sais. Donc, la légalisation du cannabis au Québec et au Canada, on l'a dit en début de chronique, c'est prévu pour juillet 2018. Il reste encore quelques mois aux propriétaires pour vous préparer, en fait, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Et j'ai eu la chance de m'entretenir, en fait, avec Martin Messier, qui est le porte-parole de l'Association des propriétaires du Québec hier, et il m'expliquait que oui, il y a beaucoup de mains qui se lèvent présentement, il y a beaucoup de guides qui se font distribuer, parce qu'on est vraiment dans un questionnement à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. C'est beau de dire à ton locataire qu'il peut consommer à l'intérieur de son appartement, mais si on a par exemple un immeuble à logement de 12 logements, mais on en a 6 qui consomment et il y en a 6 qui préféreraient avoir un environnement sans fumée, qu'est-ce qui se passe? Donc, à ce niveau-là, on est encore dans les questionnements. On n'a pas encore eu trop de réponses non plus au niveau du gouvernement. Est-ce que ça va être un petit peu comme la cigarette? Est-ce qu'on va pouvoir interdire de fumer à l'intérieur de certains appartements? Pour le moment, ça semble être la responsabilité des propriétaires d'immeubles. Et j'ai posé la question sur mon Facebook personnel, à savoir si je connaissais des gens qui étaient propriétaires d'immeubles, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux, par rapport à tout ça? Et j'ai reçu la réponse que, bon... la plupart sont contre, au même titre que la cigarette. Ça semble vraiment être l'argument qui est fort, c'est l'odeur. Ben oui. On s'entend aussi que l'odeur, oui, ça reste, mais ça sent pas nécessairement bon non plus. Ça dépend des goûts, mais non. Exactement. Il y en a qui sont totalement contre. Il y en a qui disent, bon, ça change pas nécessairement grand-chose. On veut juste un respect de l'endroit. Mm-hmm. Et pour certains, on a déjà reçu des avis de leurs propriétaires. Ah ouais. Donc, une lettre qui a déjà été envoyée. Et pour d'autres, bien, sachez que si vous êtes en appartement, peut-être que dans les prochaines semaines, vous allez recevoir une petite modification à votre bail. Je me demande s'il va y avoir tant de gens qui vont plus fumer qu'avant, parce qu'il me semble que ceux qui voulaient fumer, légal ou pas, fumaient pareil, non? Je me le demande. J'ai hâte de voir les chiffres. Exactement. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Intriguant. Merci, Tania. Fait plaisir. Tania Esgonel-Tutenia, tous les matins à Assemblage requis. Et étant donné qu'on a parlé de prendre de la drogue qui fait des effets comme si t'avais l'impression de voler, je sais pas trop ce que ça fait. On écoute Fly Through Clouds de Helen Skelter. C'est nouveau sur le palmarès anglophone. Assemblage Rookie. Skelter, Skelter, assemblage requis. On prend une pause de retour. Marc Lachance et ses niaiseries. Oh. Et ses niaiseries. Youp! Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est fou! 89. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. C'est la troisième heure d'Assemblage requis en ce lundi 29 janvier 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Et Marc Lachance qui vient d'arriver avec nous en studio. Hello! Mais qui êtes-vous, monsieur? Non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais on te reconnaît à peine parce que, pour ceux qui ne savaient pas, pendant le carnaval, il y avait défi Le Camp. Et Marc Lachance a participé à ça. Oui, des défis tête rasée. Ouais. Me voilà maintenant avec les cheveux dans le vent tout le temps. C'est ça, t'es rendu comme tout le temps. T'es rendu comme une pêche. Ouais. Mais raconte-nous ton périple de cheveux depuis que ça s'est passé. Mon Dieu, les premiers jours, c'était difficile. Ah ouais? J'étais tout le temps, j'avais l'impression que j'étais dans le nord, comme un viking, en train d'affronter le vent et les ours polaires méchants. Tu mettais deux trucs en même temps. Mais non, mais la petite brise en arrière de la nuque, là, ouais, c'est quelque chose. Puis maintenant, j'ai découvert que c'est pour ça que les fleurs existent, Marc. Ouais. Mais une tuque, c'est un must. Et en passant, c'est vraiment... C'est presque jouissif, se mettre une tuque sur la peau. Ah ouais, ouais, OK. Surtout la sensi. La laine, hein, contre ta peau. Ça. Ouais, c'est ça. On dirait comme ma tête, c'est du velcro un peu. Ah ouais. Ça fait... Mais ça fait un petit massage. Ouais. C'est comme les pinces là qu'on. C'est devenu sensoriel ton pinces, affaire. C'est le truc avec des broches là. C'est ça. Ça marche ça pour vrai. C'est vraiment fun. Puis là, au début, j'étais dans l'une, puis je mettais et j'enlevais ma tuque systématiquement pendant un bon petit deux minutes. Ah ouais. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est pas parce que t'as les cheveux rasés qu'il n'y a pas de gens autour. Il y a ça. Mais c'est un beau petit look, hein, puis ça va repousser vite. Ouais, c'est ça. Bon, c'était pas une bonne cause en fait. Bon. T'as ramassé full cash, ça? Pas énormément. On avait un objectif de 100$ par assaut. Mm-hmm. Fait que nous, on était supposés être 5 au départ. Je me suis promené dans mon entourage en disant j'ai un 20$ à ramasser. Tout ce qui est du reste, c'est de l'extra. Fait que les gens donnaient par petite poignée. J'ai ramassé à peu près une 50aine de dollars. Quand même. Pour découvrir que finalement, il y avait des gens qui avaient oublié de m'en donner. Fait qu'ils vont refaire des dons par Internet. Ah. J'aurais eu à peu près 66-67$. Mais c'est bien. C'est bien, oh, ouais. Félicitations. C'est cool. On va écouter une petite pièce avant de passer à ta chronique. De quoi tu nous parles tantôt? On parle d'alcool. Drogue, alcool, aujourd'hui, sexe, drugs, rock and roll. Yeah! C'est quand le sexe, qui en parle aujourd'hui du sexe? Alors, on a parlé de mamelon au début de l'émission. Ça, ouais, c'est ça, c'est correct. On écoute Mardi Noir, voici Nourrir les loups. Assemblage requis.

je quitte. Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui. Cifou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui. Aujourd'hui, assemblage de qui. Spook School avec Best of Intentions, une autre nouvelle entrée du palmarès anglophone. Je te dis, je sais pas, cette semaine est quand même pas mal bonne en frais de nouvelles entrées. Il va nous en rester une dernière à entendre. En tout cas, je crois que c'est la dernière dans quelques minutes. Avant la pause, ce qu'on a entendu, c'était la chanson thème de Big Wolf on Campus, le loup-garou du campus, parce qu'on avait fait référence à ça en début de chronique avec Marc Lachance. Ah, c'était tellement bon. Personne ne se rappelait de ça, mais bon, une fois qu'on a mis la chanson, je pense que ça a rappelé le début de la chronique à ça. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps à l'émission, donc on n'a pas le temps pour commencer une nouvelle chronique. Alors, allons entendre la dernière pièce du palmarès anglophone que je viens tout juste de mentionner. Elle est par Death of Lovers. Hein? Oui. C'est Orphans of the Smog. On écoute ça à Assemblage requis pour encore 8 minutes environ. D'accord. Thank you. c'était Orphans of the Smog par Death of Lovers. Assemblage Rookie, et c'est déjà là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. Ça a passé vraiment vite. Oui, vraiment, mais grosse émission chargée aujourd'hui pour un lundi. C'est, ça arrive pas. Ah, ça arrive pas, mais on est donc contents que ça soit arrivé. Tellement. On remercie Léa Tessier pour sa chronique et mashup musical en début d'émission. Merci à Marc Gagné de Hibou Hibou et de l'émission C'est dans ta face. Je pense qu'on va le revoir, lui. Oui, je pense que oui. Marc Lachance aussi, qui était là avec nous il y a quelques instants, mm-hmm. qui nous a parlé de choses stupides. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Demain, à l'émission, on va être mardi. Et mardi, c'est quand même une journée assez intéressante. Assez bien remplie, oui, aussi. Sûrement, c'est dans le top 4, en tout cas, des meilleures émissions de la semaine. Facilement. À 8h, on a Marc-Olivier Dumas qui va être avec nous pour Sport et Filoché. À 8h30, Dominique Nodmavungu pour Voix d'Afrique. Et à 9h, ce sera Gauchère Bévou. Bévu. Bévu. Gauchère Bévou. Avec Jimmy Thiboudou. Oh, on aime ça. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, la rediffusion de C'est dans ta face commence à midi. Ensuite, Rock Classique à partir de 13h en rappel. À 20h, retour en direct pour Rock de Neuron, l'émission de rock progressif. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se retrouve demain matin à 7h. Hey, bye, bon café tout le monde. Bye.